Chapitre 19e, un meeting. Le lendemain, l'astre du jour se leva bien tard au gré de l'impatience publique. On le trouva paresseux pour un soleil qui devait éclairer une semblable fête. Barbicane, craignant les questions indiscrètes pour Michel Ardan, aurait voulu réduire ses auditeurs à un petit nombre d'adeptes, à ses collègues par exemple. Mais autant essayer d'endiguer le Niagara. Il dut donc renoncer à ses projets et laisser son nouvel ami courir les chances d'une conférence publique. La nouvelle salle de la bourse du Tampa Town, malgré ses dimensions colossales, fut jugée insuffisante pour la cérémonie, car la réunion projetée prenait les proportions d'un véritable meeting. Le lieu choisi fut une vaste plaine située en dehors de la ville. En quelques heures, on parvint à l'abriter contre les rayons du soleil. Les navires du port, riches en voiles, en agrès, en mâts de rechange, en bergues, fournirent les accessoires nécessaires à la construction d'une tente colossale. Bientôt, un immense ciel de toile s'étendit sur la prairie calcinée et la défendit des ardeurs du jour. Là, 300 000 personnes trouvèrent place et bravèrent pendant plusieurs heures une température étouffante en attendant l'arrivée du Français. De cette foule de spectateurs, un premier tiers pouvait voir et entendre. Un second tiers voyait mal et n'entendait pas, quant au troisième, il ne voyait rien et n'entendait pas davantage. Ce ne fut cependant pas le moins empressé à prodiguer ses applaudissements. À 3 heures, Michel Ardan fit son apparition, accompagné des principaux membres du Gun Club. Il donnait le bras droit au président Barbicane et le bras gauche à J.T. Maston, plus radieux que le soleil en plein midi et presque aussi rutilant. Ardan monta sur une estrade, du haut de laquelle ses regards s'étendaient sur un océan de drapeaux noirs. Il ne paraissait aucunement embarrassé. Il ne posait pas. Il était là comme chez lui, gai, familier, aimable. Aux hurrahs qui l'accueillirent, il répondit par un salut gracieux. Puis, de la main, réclama le silence. Il prit la parole en anglais et s'exprima fort correctement en ces termes. « Messieurs, dit-il, bien qu'il fasse très chaud, je vais abuser de vos moments pour vous donner quelques explications sur des projets qui ont paru vous intéresser. Je ne suis ni un orateur ni un savant, et je ne comptais point parler publiquement. Mais mon ami Barbicane m'a dit que cela vous ferait plaisir et je me suis dévoué. Donc, écoutez-moi avec vos 600 000 oreilles, et veuillez excuser les fautes de l'auteur. » Ce début sans façon fut fort goûté des assistants, qui exprimèrent leur contentement par un immense murmure de satisfaction. « Messieurs, dit-il, aucune marque d'approbation ou d'improbation n'est interdite. Ceci convenu, je commence. Et d'abord, ne l'oubliez pas, vous avez affaire à un ignorant, mais son ignorance va si loin qu'il ignore même les difficultés. Il lui a donc paru que c'était chose simple, naturelle, facile, de prendre au passage dans un projectile et de partir pour la Lune. Ce voyage-là devait se faire tôt ou tard, et quant au mode de locomotion adopté, il suit tout simplement la loi du progrès. L'homme a commencé par voyager à 4 pattes, puis, un beau jour, sur 2 pieds, puis en charrette, puis en coche, puis en patache, puis en diligence, puis en chemin de fer. Eh bien, le projectile est la voiture de l'avenir, et à vrai dire, les planètes ne sont que des projectiles, de simples boulets de canon lancés par la main du Créateur. Mais revenons à notre véhicule. Quelques-uns de vous, messieurs, ont pu croire que la vitesse qui lui sera imprimée est excessive. Il n'en est rien. Tous les astres l'emportent en rapidité, et la Terre elle-même, dans son mouvement de translation autour du Soleil, nous entraîne 3 fois plus rapidement. Voici quelques exemples. Seulement, je vous demande la permission de m'exprimer en lieu, car les mesures américaines ne me sont pas très familières, et je craindrais de m'embrouiller dans mes calculs. La demande parut toute simple et ne souffrit aucune difficulté. L'orateur reprit son discours. « Voici, messieurs, la vitesse des différentes planètes. Je suis obligé d'avouer que malgré mon ignorance, je connais fort exactement ce petit détail astronomique. Mais avant 2 minutes, vous serez aussi savant que moi. Apprenez donc que Neptune fait 500 000 lieues à l'heure, Uranus 7 000, Saturne 8 158, Jupiter 11 675, Mars 22 011, la Terre 27 500, Vénus 32 190, Mercure 52 520, certaines comètes 14 000 lieues dans leur périhélie. Quant à nous, véritables flâneurs, gens peu pressés, Notre vitesse ne dépassera pas 9100 lieues et elle ira toujours en décroissant. Je vous demande s'il y a là de quoi s'extasier. Et n'est-il pas évident que tout cela sera dépassé quelques jours par des vitesses plus grandes encore, dont la lumière ou l'électricité seront probablement les agents mécaniques? Personne ne parut mettre en doute cette affirmation de Michel Ardan. Mes chers auditeurs, reprit-il, à en croire certains esprits bornés, c'est le qualificatif qui leur convient, l'humanité serait renfermée dans un cercle de populus qu'elle ne saurait franchir et condamnée à végéter sur ce globe sans jamais pouvoir s'élancer dans les espaces planétaires. Il n'en est rien. On va aller à la Lune, on ira aux planètes, on ira aux étoiles, comme on va aujourd'hui de Liverpool à New York, facilement, rapidement, sûrement, et l'océan atmosphérique sera bientôt traversé comme les océans de la Lune. La distance n'est qu'un mot relatif et finira par être ramenée à zéro. L'Assemblée, quoique très montée en faveur du héros français, resta un peu interdite devant cette audacieuse théorie. Michel Ardan parut le comprendre. « Vous ne semblez pas convaincus, mes braves hôtes, » reprit-il avec un aimable sourire. « Eh bien, raisonnons un peu. Savez-vous quel temps il faudrait à un train express pour atteindre la Lune ? 300 jours, pas davantage. Un trajet de 86 410 lieues, mais qu'est-ce que cela ? Pas même 9 fois le tour de la Terre. Et il n'est point de marin ni de voyageur un peu dégourdi qui n'ait fait plus de chemin pendant leur existence. Songez donc que je ne serai que 97 heures en route. Ah, vous vous figurez que la Lune est éloignée de la Terre et qu'il faut y regarder à 2 fois avant de tenter l'aventure. Mais que diriez-vous donc s'il s'agissait d'aller à Neptune, qui gravite à 1147 millions de lieues du Soleil ? Voilà un voyage que peu de gens pourraient faire s'il coûtait seulement 5 sols par kilomètre. Le baron de Rothschild lui-même, avec son milliard, n'aurait pas de quoi payer sa place, et faute de 147 millions, il resterait en route. Cette façon d'argumenter parut beaucoup plaire à l'Assemblée. D'ailleurs, Michel Ardan, plein de son sujet, s'y lançait à court perdu avec un entrain superbe. Il se sentait avidement écouté, et reprit, avec une admirable assurance. « Eh bien, mes amis, cette distance de Neptune au Soleil n'est rien encore, si on la compare à celle des étoiles. En effet, pour évaluer l'éloignement de ces astres, il faut entrer dans cette numérisation éblouissante où le plus petit nombre a 9 chiffres et prendre le milliard pour unité. Je vous demande pardon d'être si ferré sur cette question, mais elle est d'un intérêt palpitant. Écoutez et jugez. Alpha du Centaure est à 8 milliards de lieues, Vega à 50 000 milliards, Sirius à 50 000 milliards, Arcturus à 52 000 milliards, la Polaire à 117 000 milliards, la Chèvre à 70 000 milliards, les autres étoiles à des milles et des millions et des milliards de lieues. Et l'on viendrait parler de la distance qui sépare les planètes du Soleil, et l'on soutiendrait que cette distance existe. Erreur, fausseté, aberration des sens. Savez-vous ce que je pense de ce monde qui commence à l'astre radieux et finit à Neptune ? Voulez-vous connaître ma théorie ? Elle est bien simple. Pour moi, le monde solaire est un corps solide, homogène. Les planètes qui le composent se pressent, se touchent, adhèrent, et l'espace existant entre elles n'est que l'espace qui sépare les molécules du métal le plus compact. Argent ou fer, or ou platine. J'ai donc le droit d'affirmer, et je répète avec une conviction qui vous pénétrera tous, la distance est un vain mot, la distance n'existe pas. Bien dit, bravo, hurrah ! S'écria d'une seule voix l'assemblée électrisée par le geste, par l'accent de l'orateur, par la hardiesse de ses conceptions. Non, s'écria J.T. Maston, plus énergiquement que les autres, la distance n'existe pas. Et emporté par la violence de ses mouvements, par l'élan de son corps, qu'il eut peine à maîtriser, il faillit tomber du haut de l'estrade sur le sol. Mais il parvint à retrouver son équilibre, et il évita une chute qui lui eut brutalement prouvé que la distance n'est pas un vain mot. Puis le discours de l'entraînant orateur reprit son cours. « Mes amis, dit Michel Ardan, je pense que cette question est maintenant résolue. Si je ne vous ai pas convaincus tous, c'est que j'étais timide dans mes démonstrations, faible dans mes arguments, et il faut en accuser l'insuffisance de mes études théoriques. Quoi qu'il en soit, je vous le répète, la distance de la Terre à son satellite est réellement peu importante et indigne de préoccuper un esprit sérieux. Je ne crois donc pas trop m'avancer en disant qu'on établira prochainement des trains de projectiles dans lesquels se fera commandément le voyage de la Terre à la Lune. Il n'y aura ni choc, ni secousse, ni déraillement à craindre, et l'on atteindra le but rapidement, sans fatigue, en ligne droite, à vol d'abeille, pour parler le langage de votre rappeur. Avant 20 ans, la moitié de la Terre aura visité la Lune. « Hurrah ! Hurrah ! » pour Michel Ardan, s'écrièrent les assistants, même les moins convaincus. « Hurrah ! Pour Barbicane !» répondit modestement l'orateur. Cet acte de reconnaissance envers le promoteur de l'entreprise fut accueilli par d'unanimes applaudissements. « Maintenant, mes amis, reprit Michel Ardan, si vous avez quelques questions à m'adresser, vous embarrasserez évidemment un pauvre homme comme moi, mais je tâcherai cependant de vous répondre. » Jusqu'ici, le président du Gun Club avait lieu d'être très satisfait de la tournure que prenait la discussion. Elle portait sur ses théories spéculatives dans lesquelles Michel Ardan, entraîné par sa vive imagination, se montrait fort brillant. Il fallait donc l'empêcher de dévier vers les questions pratiques dont il se fut moins bien tiré, sans doute. Barbicane se hâta de prendre la parole et il demanda à son nouvel ami s'il pensait que la Lune ou les planètes fussent habitées. « C'est un grand problème que tu me poses là, mon digne président, » répondit l'orateur en souriant. « Cependant, si je ne me trompe, des hommes de grande intelligence, Plutarque, Swedenborg, Bernardin de Saint-Pierre et beaucoup d'autres, se sont prononcés pour l'affirmative. En me plaçant au point de vue de la philosophie naturelle, je serais porté à penser comme eux. Je me dirais que rien d'inutile n'existe en ce monde et, répondant à ta question par une autre question, ami Barbicane, j'affirmerai que si les mondes sont habitables, ou ils sont habités, ou ils l'ont été, ou ils le seront. « Très bien !» s'écrièrent les premiers rangs des spectateurs, dont l'opinion avait force de loi pour les derniers. « On ne peut répondre avec plus de logique et de justesse, » dit le président du Gun Club. « La question revient donc à celle-ci. Les mondes sont-ils habitables ? Je le crois, pour ma part. »« Et moi, j'en suis certain, » répondit Michel Ardan. « Cependant, » répliqua l'un des assistants, il y a des arguments contre l'habitabilité des mondes. Il faudrait évidemment, dans la plupart, que les principes de la vie fussent modifiés. Ainsi, pour ne parler que des planètes, on doit être brûlé dans les unes et gelé dans les autres, suivant qu'elles sont plus ou moins éloignées du soleil. « Je regrette, » répondit Michel Ardan, « de ne pas connaître personnellement mon honorable contradicteur, car j'essaierai de lui répondre. » Son objection a sa valeur, mais je crois qu'on peut la combattre avec quelque succès ainsi que toutes celles dont l'habitabilité des mondes a été l'objet. Si j'étais physicien, je dirais que s'il y a moins de caloriques mises en mouvement dans les planètes voisines du Soleil, et plus au contraire dans les planètes éloignées, ce simple phénomène suffit pour équilibrer la chaleur et rendre la température de ces mondes supportable à des êtres organisés comme nous le sommes. Si j'étais naturaliste, je lui dirais, après beaucoup de savants illustres, que la nature nous fournit sur la Terre des exemples d'animaux vivant dans des conditions bien diverses d'habitabilité, que les poissons respirent dans un milieu mortel aux autres animaux, que les amphibies ont une double existence assez difficile à expliquer, que certains habitants des mers se maintiennent dans les couches d'une grande profondeur et y supportent, sans être écrasés, des pressions de 50 ou 60 atmosphères, que divers insectes aquatiques insensibles à la température se rencontrent à la fois dans les sources d'eau bouillante et dans les plaines glacées de l'océan polaire. Enfin, qu'il faut reconnaître à la nature une diversité dans ses moyens d'action souvent incompréhensibles mais non moins réels et qui va jusqu'à la toute-puissance. Si j'étais chimiste, je lui dirais que les aérolithes, ces corps évidemment formés en dehors du monde terrestre, ont révélé à l'analyse des traces indiscutables de carbone, que cette substance ne doit son origine qu'à des êtres organisés, et que d'après les expériences de Reichenbach, elle a dû être nécessairement animalisée. Enfin, si j'étais théologien, je lui dirais que la rédemption divine semble, suivant saint Paul, s'être appliquée non seulement à la terre, mais à tous les mondes célestes. Mais je ne suis ni théologien, ni chimiste, ni naturaliste, ni physicien. Aussi, dans ma parfaite ignorance des grandes lois qui régissent l'univers, je me borne à répondre « Je ne sais pas si les mondes sont habités, et comme je ne le sais pas, je vais y voir. » L'adversaire des théories de Michel Ardan hasarda-t-il d'autres arguments ? Il est impossible de le dire, car les cris frénétiques de la foule eussent empêché toute opinion de se faire jour. Lorsque le silence se fut rétabli jusque dans les groupes les plus éloignés, le triomphant orateur se contenta d'ajouter les considérations suivantes. « Vous pensez bien, mes braves Bianchi, qu'une si grande question est à peine effleurée par moi. Je ne viens point vous faire ici un cours public et soutenir une thèse sur ce vaste sujet. Il y a toute une autre série d'arguments en faveur de l'habilité des mondes. Je la laisse de côté. Permettez-moi seulement d'insister sur un point. Aux gens qui soutiennent que les planètes ne sont pas habitées, il faut répondre « Vous pouvez avoir raison s'il est démontré que la Terre est le meilleur des mondes possibles, mais cela n'est pas quoi qu'en ait dit Voltaire. Elle n'a qu'un satellite quand Jupiter, Uranus, Saturne, Neptune en ont plusieurs à leur service, avantage qui n'est point à dédaigner. Mais ce qui rend surtout notre globe peu confortable, c'est l'inclinaison de son axe sur son orbite, de là l'inégalité des jours et des nuits, de là cette diversité fâcheuse des saisons. Sur notre malheureux sphéroïde, il fait toujours trop chaud ou trop froid. On y gèle en hiver, on y brûle en été. C'est la planète aux rhumes, aux coryzas et aux fluxions de poitrine. Tandis qu'à la surface de Jupiter, par exemple, où l'axe est très peu incliné, les habitants pourraient jouir de températures invariables. Il y a la zone des printemps, la zone des étés, la zone des automnes et la zone des hivers perpétuels. Chaque jovien peut choisir le climat qui lui plaît et se mettre pour toute sa vie à l'abri des variations de la température. Vous conviendrez sans peine de cette supériorité de Jupiter sur notre planète, sans parler de ces années qui durent 12 ans chacune. De plus, il est évident pour moi que sous ces auspices et dans ces conditions merveilleuses d'existence, les habitants de ce monde fortuné sont des êtres supérieurs, que les savants y sont plus savants, que les artistes y sont plus artistes, que les méchants y sont moins méchants et que les bons y sont meilleurs. Hélas, que manque-t-il à notre sphéroïde pour atteindre cette perfection ? Peu de choses, un axe de rotation moins incliné sur le plan de son orbite. « Eh bien, s'écria une voix impétueuse, unissons nos efforts, inventons des machines et redressons l'axe de la Terre. » Un tonnerre d'applaudissements éclata cette proposition dont l'auteur était et ne pouvait être que J.T. Maston. Il est probable que le fougueux secrétaire avait été emporté par ses instincts d'ingénieur à hasarder cette hardie proposition. Mais, il faut le dire car c'est la vérité, beaucoup l'appuyèrent de leurs cris et sans doute, s'ils avaient eu le point d'appui réclamé par Archimède, les Américains auraient construit un levier capable de soulever le monde et de redresser son axe. Mais le point d'appui, voilà ce qui manquait à ces téméraires mécaniciens. Néanmoins, cette idée éminemment pratique eut un succès énorme. La discussion fut suspendue pendant un bon quart d'heure et longtemps, bien longtemps encore, on parla dans les États-Unis d'Amérique de la proposition formulée si énergiquement par le secrétaire perpétuel du Gun Club.